Hors champ, le podcast cinéma de l'EJT. Bonjour à tous, je suis ravie de vous annoncer qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Hors champ. En mars de l'année dernière sortait le premier épisode de ce podcast. Hors champ a désormais un an et nous avons décidé qu'il était temps de le faire grandir. Par conséquent, ce podcast ne sera plus réservé aux cinéphiles, il s'adressera désormais à tous les fans de culture. Alors pas de panique, le cinéma sera toujours mis à l'honneur, mais la littérature, la musique ou encore les expositions du moment auront aussi droit à leurs heures de gloire. Pour fêter ce changement de cap, nous avons décidé de vous offrir un hors-série coup de cœur dans lequel nos chroniqueurs vous parleront de leur coup de cœur culture. Pas de thème cette semaine, ils vous parlent simplement de ce qu'ils aiment. On commence tout de suite par accueillir Angela. Elle va nous présenter un livre qui l'a bouleversée, ça s'appelle La Manche. Salut Angela. Salut. Angela, le livre La Manche, ça traite des personnes sans abri. Avant d'en parler, tu vas nous lire un extrait. J'ai faim, j'ai froid, je suis seule, trio de malheur. Le jeu de la petite monnaie glissant chaque jour, de main propre en main sale, la manche m'attache au sol, m'installe et me ligote. Raconte-nous, pourquoi ce livre, ça t'a particulièrement marqué ? Pour son originalité. L'auteur, Max De Passe, se met dans la peau d'un jeune sans-abri qui raconte son quotidien. J'avais jamais vu ça avant. L'attente sur le trottoir, le regard de pitié des passants, le froid sur les mains, son écriture est vraiment très imagée. Il décrit tous les aspects de la vie à la rue et d'une manière très concrète et réelle. On y croit et c'est pas le plus évident avec ce genre de sujet. Alors toi, t'as pu rencontrer l'auteur, il est très jeune, non ? Oui, il a que 22 ans et c'est son premier roman, ce qui rend le livre encore plus impressionnant. Il a tout écrit en parallèle de son master de philosophie. Et comment il fait concrètement pour rendre le récit aussi réaliste ? Alors, il a tout écrit simplement à partir de ses observations et des échanges qu'il a eus avec les SDF de son quartier. Tout se passe à Paris, dans les rues du 5e arrondissement, à côté du lycée Henri IV. Et les personnes qu'il décrit existent vraiment, même s'il faut dire qu'il y a aussi une part de fiction qui est importante. C'est un livre très bouleversant, aussi parce qu'il dérange et surtout qu'il met mal à l'aise le lecteur. Tout à fait. Le récit n'est pas simplement une description d'une situation malheureuse. Il dénonce vraiment des choses, notamment le rapport de force entre les individus. Écoutez cet extrait. Les clochards qui lisent, ça fait toujours bander les riches, car c'est poétique, vous comprenez ? Ça donne une image très belle de la misère. C'est fou comme les gens choisissent leurs pauvres. Oui, c'est un passage très fort. Oui, moi quand j'ai fini le livre, je me suis presque sentie mal, et c'est complètement l'objectif de l'auteur. Il veut nous remettre en question, il veut nous faire réfléchir à notre rapport avec les gens qui sont à la rue. Bon, et visiblement, du coup, tu nous le conseilles ? Oui, foncez, ça vaut le coup. Et bon, pour ceux qui sont pas fans de lecture, sachez que ça fait que 124 pages, donc ça se lit très vite, aucune excuse. Merci Angela. Un peu de musique maintenant. Lucas, ton coup de cœur, c'est un album du groupe que Paul McCartney a fondé, après les Beatles. Plus précisément, c'est la réédition de l'album Born on the Run du groupe Wings. Il est initialement sorti en 1973 et sa création n'a pas été de tout repos. Comme tu l'as dit, Apolline, Wings, c'est le groupe que Paul McCartney fonde en 1971, 2 ans après la séparation des Beatles. Wings sort son premier album intitulé Wildlife en 1972. Puis, pour son prochain projet, Paul McCartney souhaite travailler dans un studio d'enregistrement de haute qualité et en dehors du Royaume-Uni. Donc sa maison de disques s'occupe de lui proposer plusieurs endroits et Paul choisit Lagos au Nigeria. Et c'est là que les ennuis commencent. Juste avant de monter dans l'avion pour Lagos, l'un des deux guitaristes et le batteur décident subitement de quitter le groupe. Wings devient donc un trio composé de Paul, de sa femme Linda et du musicien Danny Lane. Une fois arrivés à destination, les membres du groupe se rendent compte que tout n'est pas conforme à leurs attentes. Le studio n'est pas de grande qualité, bien au contraire, il est sujet à de nombreux dysfonctionnements techniques, comme des coupures de courant. Bon après, ils avaient quand même un peu de matériel à eux, j'imagine ? Figure-toi que justement, les problèmes continuent. En se baladant tranquillement un soir dans la rue, Paul et Linda se font racketter et parmi les objets volés, il y avait l'enregistreur portable de Paul qui contenait toutes les démos de l'album. Le groupe a dû tout recommencer à partir de zéro avec les souvenirs qu'ils avaient des chansons et les sessions d'enregistrement étaient tellement stressantes que Paul McCartney a même fait un malaise des suites d'une trop grande consommation de tabac. Finalement, le groupe parvient tant bien que mal à finir la quasi-totalité de l'album. Quelques enregistrements finaux ont lieu à Londres, puis Born on the Run sort au début du mois de décembre 1973 et c'est un succès puisqu'il se place numéro 1 des ventes en 1974 à la fois au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il est d'ailleurs considéré comme le plus grand succès du groupe et de Paul McCartney depuis sa séparation avec les Beatles. Tout est bien qui finit bien. Tu nous disais que l'album a été réédité. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette nouvelle version ? Eh bien, on retrouve des versions alternatives des chansons, notamment Let Me Roll It, le titre phare de l'album que l'on vient d'écouter et que l'on peut d'ailleurs entendre dans Licorice Pizza, le dernier film de Paul Thomas Anderson. Et ces versions alternatives sont assez intéressantes car elles nous montrent les chansons sous un nouveau jour. Les arrangements sont différents, les prises de voix également. En fait, c'est comme si on s'immisçait dans le studio à la Ghost au moment même de l'élaboration des chansons. On entrevoit le cheminement que Paul et ses compères ont opéré jusqu'au résultat final, et ça nous rappelle que loin d'être figé, la musique est modulable et offre des possibilités infinies qui pourront toujours susciter de l'étonnement et de l'intérêt. Merci Lucas. Chasser le naturel, il revient au galop. Martin va nous parler d'un film. Une vie de James Howes, qui nous raconte le destin exceptionnel d'un banquier anglais. Oui, Apolline, et tiens-toi bien, c'était le premier long métrage de James Howes. On a plus l'habitude de le voir réaliser des séries, comme Black Mirror ou Undercover, mais là il a choisi de nous parler d'un certain Nicholas Winton pendant presque 2 heures. C'est un banquier anglais qui a vraiment existé et qui a sauvé des centaines d'enfants juifs avant la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, au premier abord, on ne devine pas vraiment son passé. Et oui, on le découvre dans le rôle d'un papy lambda, jusqu'à ce que sa femme lui demande de ranger la maison pour l'arrivée des petits-enfants. Il retrouve une sacoche dans son bureau et tout de suite, flashback. On plonge dans le passé de Nicky, il est jeune courtier à Londres et s'occupe d'enfants en détresse. On lui demande d'intervenir en Tchécoslovaquie alors qu'Hitler vient d'envahir les Sudètes. C'est-à-dire les habitants de la Tchécoslovaquie. Oui, exactement. Malgré le danger et les avertissements de sa mère, il va quand même à Prague dans une association d'aide aux familles qui ont fui la menace nazie. En très peu de temps, il obtient des visas et trouve des familles d'accueil pour les enfants. Il rassemble les premiers papiers dans une sacoche que lui a donnée son associé, celle qu'il a conservée ensuite dans son bureau. Au total, Nicholas Winton arrive à empêcher la déportation de 669 enfants dans les camps de concentration. Et on sait ce qu'ils sont devenus, ces enfants ? Bien oui, comme on le voit après dans le film, Nicky se fait contacter par des universitaires qui s'intéressent à un livre spécial. Il s'agit en fait de son registre où il a renseigné les infos de tous les enfants en recherche d'asile. La télé est aussi sur le coup, et il accepte de participer à une émission pour raconter son histoire. Les journalistes s'arrangent pour faire venir des enfants qu'il a sauvés et qui sont devenus grands. Et qu'est-ce qui t'a plu alors ? J'ai trouvé que les allers-retours entre le présent de narration et le passé avant la guerre étaient plutôt réussis. Les deux temporalités se répondent bien, que ce soit le vieux Winton, joué par Anthony Hopkins, ou le jeune, interprété par Johnny Flynn. Ils font ressortir tous les deux une certaine humilité et sensibilité qui m'ont touché. Et il y a des choses que t'as moins aimées dans ce film ? Tu fais bien d'utiliser le mot « film », justement. Il m'a paru trop long. Le rythme assez lent et le manque d'action ont plutôt donné l'impression de regarder un documentaire. Et c'est vrai, la durée totale est d'1h50, j'aurais préféré 1h30 maximum. On peut aussi reprocher l'excès de pathos, la musique épique, puis larmoyante, quand les enfants partent en train de Prague et arrivent en Angleterre. James Howes a voulu donner du drama à son œuvre, mais je dirais qu'il tire un peu trop sur cette corde. Tu le recommandes quand même ou pas ? Oui, ne serait-ce que pour la scène du show télévisé. Tout son dévouement pour sauver les enfants prend son sens dans cette scène, et on ne reste pas indifférent aux retrouvailles de Nicky et ses protégés. Rien que pour cette dose d'émotion, allez voir ce film en ce moment au cinéma. Et notre Anna Wintour à nous vient d'entrer dans le studio. Océane, t'as décidé de nous parler de bijoux, mais pas n'importe lesquels. Ton coup de cœur du moment, ce sont les accessoires d'Elsa Schiaparelli, une créatrice italienne connue pour ses bijoux audacieux. Et oui, Apolline, audacieux, c'est le mot. Avec Schiaparelli, on est bien loin de la sobriété de Coco Chanel, qui est sa concurrente à l'époque. Dans les années 30, les deux créatrices mélangent les tissus et les bijoux, mais Schiaparelli prend un chemin beaucoup plus extravagant, et pour moi, c'est un peu même provocateur. Ses bijoux s'inspirent du réalisme, ce mouvement a beaucoup influencé la créatrice italienne et d'ailleurs elle se lie d'amitié avec André Breton qui est le père de ce mouvement, mais aussi avec Dali, le célèbre artiste espagnol. Il a notamment designé certains de ses premiers accessoires. Ce que j'adore, c'est que le surréalisme, on le retrouve partout dans ses bijoux. Tout droit sorti de l'onirisme de la créatrice, elle matérialise son inconscient et franchement, on est hypnotisé. Mais alors, en t'entendant, j'ai envie de savoir à quoi concrètement ressemblent ces bijoux, du coup. Bah, d'abord, ils sont démesurés, et puis la matière, elle est forgée en laiton, dans des formes anatomiques. D'ailleurs, l'anatomie fait l'objet d'une véritable fascination pour la créatrice. On a des yeux incrustés dans des bagues, des colliers, des oreilles portées en boucles d'oreilles. Il y a des pendentifs en forme de bouche ornés de piercings et même des trous de serrure en référence à l'un des symboles emblématiques de la maison. Mais aussi des fruits, des scarabées, des plantes et Schiaparelli s'est énormément inspiré du vivant et de la nature. Bref, ces bijoux sont tous loufoques et fantaisistes. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'ils se fondent très bien dans les cols de vêtements, prennent la forme de gants, de boutons de veste, d'orteils sur une paire de chaussures ou encore de doigts articulés en guise de bagues. Pour moi, c'est vraiment l'image de la mode qui s'entrechoque avec la joaillerie. Ok, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais ça donne envie de les voir. Est-ce qu'il y a une pièce majeure dans ces créations qui représente pour toi l'essence de cette créatrice ? En fait, ses premières collaborations avec des artistes ont révélé le foisonnement créatif de la créatrice. En tête, là, j'ai un collier en rhodoïde. C'est une sorte de plastique transparent, incrusté d'insectes, et il a été créé par Dali, et c'est magnifiquement coloré. Mais les bijoux des Schiaparelli, ils ont failli être complètement oubliés quand même. Hein. Et oui, car à la sortie de la guerre, la maison devenait démodée. On préfère plutôt le calme et le chic de la maison Dior. Elle ferme en 1954 et Schiaparelli meurt en 1975. Mais en 2006, la marque renaît de ses cendres. Et depuis 2019, c'est Daniel Roseberry qui est à la tête de la direction artistique de la maison. En hommage à son extravagance, il continue de créer des bijoux XXL à l'image de la fantaisie de Schiaparelli. La boucle est bouclée, si tu me permets le jeu de mots. Je ne te permets pas ça, Pauline. Tant pis, on passe à la prochaine chronique alors. Déborah, notre fan de faits divers, va vous plonger dans l'histoire du quintuple meurtre qui a inspiré un film. Salut Déborah. Salut Apolline. Tu vas nous parler du téléfilm La vie rêvée des autres, diffusé le 28 février sur France 2. Il revient sur un fait divers qui a défrayé la chronique en 2003 en Haute-Savoie. Cette tuerie familiale avait déjà inspiré un film sur grand écran, Possession, en 2012. Cette fois, c'est le réalisateur Didier Lepêcheur qui s'empare de l'histoire. Tu peux nous faire un petit résumé des faits ? Bien sûr, Apolline. Le 12 avril 2003, Mario, 14 ans, devait passer quelques jours chez sa mère, son beau-père, ainsi que ses trois frères et sœurs. Pourtant, une fois arrivé, la porte du chalet du Grand Bornan où il réside reste close. Au bout de 24 heures sans nouvelles, la grand-mère du petit garçon appelle la gendarmerie pour signaler la disparition de la famille Flagstaff. Dans un premier temps, les enquêteurs pensent qu'ils ont fui à l'étranger. Le père Xavier Flagstaff est un promoteur immobilier aux multiples soucis financiers. Mais la piste de la fuite était fausse. C'est ça, finalement c'est David Otia, un voisin et locataire de la famille qui attire l'attention des enquêteurs. Il devient le bon client des journalistes et ne se fait pas prier pour dépeindre une image peu flatteuse des Flagstaff. Son ADN est finalement retrouvé dans le chalet. David Otia est alors condamné à la perpétuité en 2006 pour quintuple meurtre des Flagstaff. Sa femme et un couple d'amis écopent quant à eux de peines allant de 7 à 15 ans de réclusion pour complicité. Le téléfilm La vie rêvée des autres s'inspire de l'affaire Flagstaff, tout en changeant quelques détails quand même. Exactement, le réalisateur Didier Lepêcheur change le nom des personnages mais aussi le nombre des enfants de la famille disparue. Ce téléfilm n'a pas pour objectif d'être une reconstitution exacte des faits et se veut parfois un peu caricatural. Qu'est-ce qui a poussé Didier Lepêcheur à reprendre cette affaire qui s'est déroulée il y a 20 ans en fait hein ? Ce qui intéresse le réalisateur dans cette affaire, c'est le parallèle entre deux familles qui viennent de la même origine sociale mais qui prennent deux trajectoires différentes. Les Flagstaff ont évolué et luttent pour réussir, tandis que les Otia vivent de magouilles et envient la vie de leurs victimes. Dans le téléfilm, le focus est fait sur cette jalousie grandissante qui amènera David Otia à commettre l'irréparable. Sa femme, jouée par Caroline Anglade, a un rôle prépondérant. Femme de ménage pour les Flagstaff, elle se met en scène sur les réseaux sociaux où elle y expose sa pseudo-vie rêvée. Une vie vécue par procuration, pour laquelle elle ne fournit aucun réel effort. David Lepêcheur met surtout sur le devant de la scène cette pression de réussite sociale amplifiée par les réseaux sociaux. Bon, et bah, ça fait froid dans le dos. Merci Déborah. Et maintenant, place à l'amour avec Margot, qui va nous parler de fragments d'un discours amoureux. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre. Plus qu'un livre, je vais vous parler d'un compagnon de vie. C'est pas un livre qu'on lit d'une traite et qu'on finit par oublier au fond de sa bibliothèque. C'est Fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes. En fait, l'auteur est parti d'un constat, qui est d'ailleurs la phrase qui commence son livre. Le discours amoureux est aujourd'hui d'une extrême solitude. Bah super, ça donne envie d'être amoureux. Oui, vu comme ça, on part pas sur des bases très optimistes. Mais justement, avec la plume de Barthes, on se sent à la fois moins seul, mais surtout compris. En fait, ce livre, c'est comme un dictionnaire du sentiment amoureux et de tout ce qui en découle. Il s'organise sous la forme d'un abécédaire, allant de la lettre A avec s'abîmer, jusqu'à vouloir saisir. Roland Barthes, il pose des mots sur quelque chose d'intangible et ça fait du bien. Donc, en gros, il fait une définition de toutes les choses qu'on peut vivre dans l'amour. Oui, c'est ça. En fait, Barthes, il explore le sentiment amoureux sous tous ses prismes. Et ces prismes, l'auteur les appelle des figures. Et donc pour ça, Barthes s'appuie sur de nombreuses références avec des grands penseurs comme Goethe avec Werther, Nietzsche ou Platon, mais aussi sur ses expériences personnelles et celles de ses amis. Et des moments de passion enflammée ou douleur lancinante de la séparation, Barthes explore chaque recoin de notre expérience amoureuse avec une précision presque scientifique. Et en fait, c'est un peu comme s'il se positionnait au-dessus de chaque sentiment pour le disséquer et mieux le comprendre. Waouh, tu nous lis un petit extrait ? Bah écoute, oui, avec plaisir. Il n'y a qu'en lisant Barthes qu'on peut comprendre son génie. Donc je vais vous partager un de mes passages préférés à propos du sentiment de jalousie. Comme jaloux, je souffre quatre fois. Parce que je suis jaloux, parce que je me reproche de l'être, parce que je crains que ma jalousie ne blesse l'autre, parce que je me laisse assujettir à une banalité. Je souffre d'être exclu, d'être agressif, d'être fou et d'être commun. Donc, la prochaine fois que vous êtes amoureux, bah, n'hésitez pas à feuilleter ce livre. Livre ou série, quand on est vraiment fan, il paraît qu'on peut relire ou revoir la même œuvre en boucle et qu'on ne s'en lasse jamais. Audrey, toi, ta série Doudou, que tu as vue de très nombreuses fois, c'est Sense8. Oui, je l'ai vue beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Elle traite de plein de sujets de société hyper importants, la transidentité, l'homosexualité, le racisme ou encore les relations familiales. Sans vous spoiler, c'est l'histoire de 8 personnes qui ne se connaissent absolument pas. Ils vivent aux quatre coins du monde et sont connectés par une sorte de télépathie qui va les mener à vivre des événements ensemble. Les musiques sont incroyables, j'avoue que celle de Four Non Blondes, What's Up, est vraiment géniale. Cette série me donne envie d'être dans un autre univers. On voyage entre tous les continents, entre l'Inde, les États-Unis, le Mexique, le Kenya, la Corée du Sud, l'Islande ou l'Allemagne. Je trouve qu'on en apprend plein sur ces endroits. Et j'ai une petite anecdote sur cette série, c'est en la regardant au lycée que j'ai eu pour rêve d'aller en Islande. Et merci papa maman d'avoir pu le réaliser quelques années plus tard. Et où est-ce qu'on peut la regarder cette super série ? Elle est dispo sur Netflix et je vous la conseille vraiment. On y va alors ? Allez, on quitte ce voyage autour du monde pour se concentrer sur la France et surtout sur le rap français. Aucune surprise quand on les connaît, ce sont Margot et Anaïs qui se sont penchées sur la question. Salut les filles ! Salut ! Anaïs, on commence par toi. Tu as voulu nous parler d'une chanson qui te tient à cœur. Eh bien oui, pour cette première chronique musicale, rien d'étonnant quand on me connaît, je vais parler de rap et de Laylo. Et même si je meurs d'envie de m'étaler sur tous ces albums, j'ai choisi de parler du morceau qui s'intitule « Une histoire étrange ». Pourquoi ce morceau ? Ben c'est un morceau qui me semble universel et tellement personnel à la fois. Ça arrive très souvent que je me retrouve les larmes aux yeux en l'écoutant. Entre les paroles de Laylo et Sofiane Pamart au piano, vous imaginez la pépite. Donc en fait, ce morceau est dans son dernier album qui s'intitule « L'étrange histoire de Monsieur Anderson ». Et cet album, il retrace l'histoire d'un anti-héros qui rêve de célébrité. On suit un homme voulant vivre de son rêve, mais qui est brimé par ses proches qui lui rappellent la réalité de la banlieue. L'album, il est rythmé par des morceaux et des interludes, et pour le comprendre, il faut l'écouter en entier et dans l'ordre, s'il vous plaît. Et cet album aborde différents sujets de société, comme les violences conjugales et policières ou le racisme, mais aussi des situations que l'on connaît tous, comme les échecs et les déceptions amicales. Mais bon, je vois Apolline me faire les gros yeux, je vais juste parler du son, une histoire étrange. Mais pas du tout, je suis attentif, c'est tout. Allez, on lance le morceau. Je vais donc vous parler de ce fameux morceau, Une histoire étrange. C'est d'ailleurs celui qui clôture l'album et le message y est clair, il faut rester fidèle à soi-même, dans l'échec comme dans la réussite, tout en se donnant les moyens. Ce morceau suit un homme qui avance à contre-courant, il se donne à fond alors que tout le monde lui tourne le dos. C'est clairement dit dans le morceau, il passe des soirées à travailler sur ses projets alors que personne ne le comprend. Ses amis l'ont déçu, il a accordé sa confiance aux mauvaises personnes et malgré tout ce travail, il a l'impression de ne pas voir le bout du tunnel. Le plus beau, c'est le message transmis. Au final, il regarde tous ses échecs et ses déceptions avec le sourire, car aujourd'hui, il a réussi à dépasser tout ça. Ce n'est plus que des mauvais souvenirs et il continue d'avancer. Mais l'idée, c'est aussi qu'il faut penser à soi par moment, car tu peux compter que sur toi-même. Ce morceau, c'est une vraie leçon de vie. Il clôture d'ailleurs le son avec cette phrase qui m'a plu, c'est « Ce n'est pas la fin qui compte, c'est le chemin à la clé, et ce chemin, c'est ton histoire. » Et c'est exactement ça qui est universel. Toutes les embûches que l'on traverse vont nous forger. Bien sûr, la vie, elle n'est pas toute rose, elle est traversée par des déceptions et des échecs, et parfois, c'est dur d'avancer. Mais le message là-dedans, c'est qu'il y a toujours espoir. Si tu te donnes les moyens, tu pourras toujours être fier de toi. Donc je compte sur vous pour l'écouter et me dire quel passage vous marque. Je suis sûre que ça vous parlera, et sur ce, je vous laisse avec mon extrait préféré. Parce que celui qui a jamais blessé sera jamais éveillé. Le bonheur faut le payer pour me remettre avec des larmes. Margot, toi qui es aussi très fan de rap, c'est une chanson qui te parle ? Alors moi j'avoue que j'écoute pas encore Laylo, mais promis Anaïs, je m'y mets bientôt. Toi Margot, t'as été visiter une exposition sur le thème du rap, c'est assez rare. Surtout que là c'était une exposition photo au Château d'Eau à Toulouse. Il accueille depuis janvier l'exposition « Rien à perdre » de Philémon Barbier. Rap pour rien à perdre, c'est le nom de l'exposition de Philémon Barbier. Le jeune photojournaliste de 24 ans a photographié le quotidien de jeunes rappeurs toulousains qui ont tous entre 18 et 25 ans. Et pendant l'année 2022, en fait, le photographe s'est infiltré dans leur quotidien pour retransmettre leur mode de vie, leurs émotions et leur vision du métier. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que chaque photo est accompagnée d'un texte de la vision qu'a l'artiste photographié sur le rap. Par exemple, à côté d'une photo de Jets, donc un rappeur de Toulouse de 18 ans, on peut lire cette phrase. Il y a longtemps eu ce truc dans le rap de ne pas montrer ses faiblesses, il fallait avoir une image dure, mais à force d'écrire et d'écouter divers sons, j'ai compris que ce qui comptait le plus, c'est surtout d'être authentique. On comprend clairement que le but de cette expo, c'était aussi de casser les clichés associés au rap. Oui, car on accompagne les rappeurs dans leur réflexion, dans la création de leur identité, et leur rapport à la masculinité, à la sensibilité, ce sont des thèmes qui reviennent souvent. Car le but de Philémon Barbier, c'est vraiment de retransmettre fidèlement ce que c'est d'être un jeune rappeur aujourd'hui. Il faut rappeler que le rap représente 65% des écoutes en France, sauf que les images qu'on s'en fait sont souvent réductrices et infondées, souvent associées à la violence. Et ce qui est intéressant avec cette exposition, c'est que Philémon Barbier a accompagné les rappeurs de la scène toulousaine partout. On les voit dans leur chambre, en train de composer, sur scène, dans le bus. Et c'est surtout qu'ils nous partagent leurs moments de doute, on les voit pleurer, il y a aussi des moments de joie. En fait, c'est tous ces moments qui montrent la réalité du monde du rap, loin des clichés associés à ce genre de musique. Et les photos en elles-mêmes, ça donne quoi ? Dans la majorité des photos exposées, on retrouve les couleurs de la nuit, donc plutôt sombres, mais toujours accompagnées, comme il se doit, d'une touche de chaleur. Car même dans les environnements les plus noirs, Philémon Barbier arrive toujours à mettre la lumière sur ces jeunes rappeurs toulousains qui ne demandent qu'à être découverts. L'exposition est à retrouver au Château d'Eau à Toulouse jusqu'au 14 avril. C'est la fin de cet épisode coup de cœur. J'espère que cette nouvelle direction vous plaît. Je peux vous dire en tout cas qu'ici au studio, on a pris beaucoup de plaisir à faire ce podcast. À très bientôt pour de nouveaux épisodes culture. Et merci d'avoir écouté Hors Champ.